chalet des enfants. Un souvenir, un souvenir. Sans dire mais qui est innocent. Un souvenir, un souvenir. Car maintenant, il fait qu'il doit mourir. Un souvenir, un souvenir.